L'heureux chasseur. Je vous parle d'il y a 20 ans. À cette époque, le jeune monsieur Jabouin suivait les grandes chasses à Compiègne, à Fontainebleau, à Rambouillet. Mais, détail curieux, si giboyeuses que fussent les forêts où monsieur Jabouin était admis, il ne parvint jamais à tuer le moindre gibier. Par exemple, il lui arriva de blesser des gardes et mains invitées parfois, hélas, de façon mortelle. Il tua aussi beaucoup de chiens, de chevaux et une vache laitière. Sans qu'il sût pourquoi, on l'invita de moins en moins. On finit même par le tenir à l'écart d'une façon un peu systématique. Il y a certainement une raison politique là-dessous, pensa-t-il, bien qu'il n'eût jamais fait de politique. Quand la guerre fut déclarée, M. Jabouin s'engagea. Dès le début des hostilités, il eut l'occasion de prendre part à un petit fait d'armes. Il était parti chercher des vivres avec un autre homme et un sergent. Les trois hommes pensaient bien ne pas faire de mauvaises rencontres. Aussi, afin de pouvoir se charger de beaucoup de vivres, n'avait-il emporté qu'un fusil et une seule cartouche. Comme ils longeaient une route, ils virent un nuage de poussière qui se formait au bout de la route. C'était un cavalier ennemi qui s'avançait au petit galop. « Nous allons nous dissimuler derrière ce bouquet d'arbres, » dit le sergent. « Y a-t-il un bon tireur pour nous dégoter ce particulier-là ? » Monsieur Jabouin s'avança, modeste. « Je suis un assez bon fusil, » dit-il. « J'ai beaucoup suivi les chasses. » « Eh bien, prends-moi ce flingot, » dit le sergent, « et tâche de t'en servir. » Monsieur Jabouin tremblait un peu. Il avait descendu d'autres individus dans sa carrière de chasseur, mais maintenant qu'il s'agissait de le faire exprès, allait-il aussi bien réussir ? L'homme n'était qu'à 30 pas. « Feu !» dit le sergent. Monsieur Jabouin tira. L'homme regarda de leur côté, piqua des deux et s'éloigna à une allure rapide. Mais du poil avait volé et quelque chose de jaune à 20 pas du cavalier avait roulé près de la route. Monsieur Jabouin venait de tuer son premier lièvre.